89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Cette semaine, on a Mathieu Plancheau. Dans Television, il est possible de contrôler Netflix par la pensée. J'attends que Tout.tv me permette de contrôler Véronique Cloutier par la pensée. Dans le segment Geek, CLX, une puce RFID implantée sur les salariés comme badge d'accès. Va manquer sur le collier pour empêcher de traverser la rue chez les concurrents. L'édition spéciale du Mathieu Plancheau commence tout de suite. Celui qui a été bien dressé comme animateur, Mathieu Plante. Bonjour, bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine, dans l'édition de la semaine du 20 février 2017, on va voir notre chronique télévisuelle Television, la chronique Geek CNX. On n'aura pas de Merci Science aujourd'hui, on va sauter par-dessus parce qu'on a seulement trois quarts d'émission, donc 1h30 ensemble. On va terminer une demi-heure plus tôt pour les rediffusions, on va commencer une demi-heure plus tard pour l'émission en direct. Mais bref, quand même, Television et CNX. Et là, tout de suite, on commence l'émission dès maintenant avec notre chronique sur les jeux vidéo rétro d'un gamer à un autre. Voici Samuel Girard. M-U-E-L-J-R-A-R-D. Samuel Girard! Pas jamais meneur de claque. Vraiment pas mon genre. C'est comme ça qu'on dit ça, meneur de claque. Mais je sais pas. C'est des meneuses de claque. J'avoue. Meneur. Des mineurs. Ouais. De claque. Ah, t'es peut-être mieux de jouer des mineurs que d'être dans les meneurs de claque. Ouais, je n'irai pas jusque-là. Donc, Samuel. Hey! Chronique de jeux vidéo habituellement rétro la plupart du temps. Oui. Ouais. On est dans le rétro aujourd'hui. Ouais, cool. Tu reviens aussi, on va parler un petit peu de ce que t'as fait en fin de semaine. T'as pas vraiment dormi. Oui, aïe, ça là. Donc, prends-moi pas là-dessus. Ouais, c'est ça. Le LAN ETS. Je t'allais passer la fin de semaine là. Okay. C'était à la place Bonaventure à Montréal. Mm-hmm. Et c'était phénoménal. C'était quel événement. Mm-hmm. On s'entend pour ma part, je veux dire, je suis pas très compétition de World of Warcraft, Call of Duty. Ben, y avait du Rocket League, ça c'était quand même amusant. Oh, cool! Ouais. Démonstration de cosplay, mm-hmm. Donc défilé de cosplay, ça c'était vraiment bon. Y avait un petit spectacle de l'orchestre de jeux vidéo le samedi. Chanceux. Oui, donc ça je te dirais quand même, c'est de très bonnes raisons d'aller là. Mm-hmm. Mais on s'entend que pour les compétitions de jeux récents, là, je suis là un petit peu moins. Ouais. Il y a beaucoup de magasins pour des pièces d'ordinateur à acheter. Tu peux jaser avec du monde. Il y a RDS qui est là, Bell est là, l'Auto-Québec est là aussi beaucoup. Okay. Donc quand même, un gros événement. Beaucoup de places que les gens puissent apporter leur ordinateur. Tu réserves ta place, tu t'installes là pour la fin de semaine et tu peux gamer autant que tu veux. C'est le fun. Pour une bonne cause en plus. Ben, ça dépend. Nous autres, où est-ce qu'on était au niveau du sponsoring, c'est pour une bonne cause. Le reste, c'est du divertissement. OK. C'est ça. Et là, il y avait la partie où c'était le marathon de speedrunning organisé par No Reset. Et puis, c'est ça. Donc, eux, c'était pas une compétition. Donc, c'était uniquement, on faisait des jeux. Démonstration un peu. Démonstration. Et puis, on ramasse de l'argent pour une bonne cause. Donc, dans ce cas-ci, c'était la fondation Mr. D qui ramasse de l'argent pour les élèves démunis en milieu scolaire. Mmh. Donc, très bonne cause. On a ramassé quand même 3 570 $. Wow, de démunis à des money. Ah ouais. Donc, c'est ça. C'est quand même seulement la deuxième année qu'il y a cet événement-là. Donc, c'est tout nouveau. Et puis, ils ont plus que triplé qu'est-ce qu'ils ont fait l'année passée pour une autre fondation. Donc, quand même, good job. Ça prend de l'ampleur. C'est intéressant. Ouais. On est content que ça se fasse. On rappelle que toi, tu présentais des jeux, entre autres un jeu à deux manettes. Est-ce que c'est toi qui as parti le meme de la Saint-Valentin sur Facebook? C'est moi qui l'ai parti. C'est très drôle. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est une photo de Sam en train de jouer avec ses deux manettes devant l'ordinateur. Puis ça dit, tu sais, à la Saint-Valentin, t'as pas besoin de Valentin ou de Valentine quand tu peux jouer toi-même avec deux manettes. C'est quand tu peux jouer à un jeu qui se joue à deux tout seul. C'est ça. C'est hot, pareil. C'est moi qui l'ai fait parce que c'est un peu le running gag de bon, regarde, Regarde Sam qui joue à ses jeux multijoueurs tout seul. Une chance que t'avais pas deux joysticks, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, ça aurait été un peu. C'était du contrôle analogue. À quel jeu tu jouais pour les deux maps? C'était World of Illusion, c'était Ring Mickey Mouse et Donald Duck. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça. Donc, je contrôle Mickey et Donald en même temps. Mais c'est que l'affaire, c'est que les deux personnages doivent s'aider en tout temps. Ouais. Donc, c'était ça la difficulté un peu de tout le temps manipuler les deux manettes en même temps et pas faire des choses différentes avec les deux manettes. Ouais. Est-ce que tu as réussi à accomplir ton but? Tu as fait le tour de la cassette? J'ai fait le tour et j'ai réussi en 24 minutes et demie, ce qui est à peu près une minute au-dessus de mon meilleur temps. Oh. Mais pour marathon, où j'ai été quand même safe pour pas justement être game over, ben oui. C'est vraiment excellent. C'était au-delà de mes attentes et ça a été meilleur que certains temps que des gens ont présenté en compétition en coop. OK, deux personnes. Ouais, deux personnes. J'ai réussi à être meilleur que certains de ces temps-là. Wow. Donc, c'est un peu mon objectif de battre un peu les pires temps coop au classement qui sont quand même d'excellents temps, soit dit en passant. Et j'ai réussi. Donc, j'étais vraiment content. Et puis, l'autre jeu que j'ai présenté, c'est Cheeky Cheeky Boys. Cheeky Cheeky Boys. Ça me fait rire à chaque fois. C'est, tout le monde rit, surtout quand je le prononce, là, Cheeky Cheeky Boys. Donc, c'est ça, un jeu aussi au Sega Genesis, où t'as une espèce d'héros avec un épée, puis là, tu dois battre les ennemis et différents boss jusqu'à la fin du jeu. Et puis, étonnamment, quand je suis arrivé sur place, j'ai décidé d'essayer une nouvelle route. Hein? Une nouvelle façon de faire, peut-être un petit changement dans le deuxième niveau. Oui, ben c'est ça. Je me suis dit, je vais l'essayer. Mm-hmm. Et finalement, ça a l'air que c'était le changement que je devais faire parce que j'ai battu mon meilleur temps live. Wow! Excitant, ça? Ouais, par une trentaine de secondes. Okay. Donc, je me suis rapproché à une minute du world record, donc du meilleur temps au monde. Et puis, même si j'ai été de façon sécuritaire pendant le marathon. Donc, j'ai fait « OK, ça va être intéressant, ça. » Donc, ça se peut que je le rejoue dans les prochaines semaines pour essayer de rapprocher ou peut-être même de battre le record du monde. Est-ce que tu as un record du monde en quelque chose? Oui, ben le jeu a une manette, un joueur, deux manettes, ça c'est moi qui ai le record du monde. Cool. Et aussi le jeu Power Rangers au Sega Genesis, en coop avec Frédéric Simon. Oh. On a deux records du monde. De matière noire. Oui, ton collègue d'impro. Oui, collègue d'impro. Il y avait beaucoup de monde, c'est fou qui était là, on le dit à chaque fois, mais oui. Frédéric Simon était là, Marc-Olivier Dumas. Frédéric Simon qui a fait justement les Power Rangers tout seul, et ça a super bien été, il a fait un très bon temps. Ouais. Marc-Olivier Dumas qui fait Patriot en action a fait Mario Kart 8, et lui ici a battu son record live. Wow. Donc vraiment chapeau. C'est pas, je me suis endormi au milieu de son segment. Mais ouais, ça faisait ça pour toi ça? Ben non, c'est plus le fait que j'avais vraiment pas assez dormi. Je vais revenir là-dessus sur le nom. J'imagine. C'est ça, juste que vous puissiez rire de moi un peu là. Est-ce que Marc-Louis joue avec le volant? Parce que j'ai eu le volant. Non, pas temps. Sur la Wii U. Chance. C'est ça. Sur la Wii U, c'est manette. Ouais. Et puis, ne pas oublier non plus Rock Généreux qui anime Matière Noire. Oui. Donc, lui avait quand même trois jeux. Donc, le vendredi soir, il y avait Mario Bros 3 dans le bloc de Mario Bros. Génial. Et malgré le fait que c'est un jeu très difficile, s'en est sorti avec un temps inférieur à 15 minutes. Wow. Ce qui est très bon dans les circonstances pour warp un jeu qui arrive il n'y a pas longtemps. Oui, il utilisait les warp. Okay. Donc, c'est ça, c'est pas que 15 minutes. Ouais, je me suis dit que c'était un petit peu irréaliste de faire ça en 15 minutes, pas de warp. C'est ça. Pendant la nuit, il a joué à Adventures of Captain Comic, qui est c'est sur DOS. Okay, oui. C'est pour ça. Ouais. C'est pour ça que tu connais peut-être moins ça. Je me rappelle, ça avait dit DOS, ouais. Il y a une version NES, mais pas aussi bonne. Okay. Et puis, il a décidé d'y aller de façon risquée. Lui et Marc-Olivier ont développé une nouvelle stratégie pour aller chercher le record du monde. Mm-hmm. C'est-à-dire que, normalement, dans le niveau, il faut que tu ailles chercher une lampe pour que dans le château, tu puisses voir quelque chose. Okay. Et Rock et McLean se sont dit, pourquoi est-ce qu'on trouve pas une façon d'apprendre le château par cœur? Ben oui. Au lieu d'aller chercher la lampe. Attends-t'on? Oui. Et dans le fond, qu'est-ce qui est difficile, c'est que quand que tu fais le premier étage, toi, tu montes un escalier, et quand tu fais le deuxième étage, il y a des trous. Ouais. Ça te fait retomber au premier étage. Ben oui. Où tu recommences. Donc, ils ont trouvé une façon de dire, est-ce qu'il y a une façon logique d'anticiper ils sont où les trous? À chaque quelques distances de tuiles. Ouais, et Rock, de son côté musicien, s'est dit, je vais compter. Des mesures, oui. Donc, on voit le personnage, et à chaque fois qu'il fait un pas, Rock faisait un... Okay. Et il a pris le beat. Ouais. Et il savait après combien de beats il doit sauter. C'est fort, ça. C'est très fort. Donc là, c'est sûr que c'est pas évident, parce que t'as quand même des ennemis qui te foncent dessus. Ouais. Donc, des fois, tu perds ton compte. Mm-hmm. Donc, ça y a pris peut-être une dizaine d'essais, wow. Mais il l'a eu live au marathon. Les essais, ils les ont fait live devant le public aussi, c'est ça? Il a décidé wow. Que c'était la première fois que quelqu'un présentait ça live sur la planète. C'est révolutionnaire. C'est et là, il s'est dit, je vais prendre ma revanche, qui est arrivé chez lui après l'événement. Eh bien, il s'est pratiqué. Il l'a eu du premier coup, il était chez le record du monde. Twitch? Il a fait ça sur Twitch? Il l'a fait sur Twitch. Évidemment. Et donc, il y a une vidéo pour le prouver. Ce gars-là aurait dû être aveugle. Pourquoi il aurait été capable de se promener en faisant des... Ouais, c'est ça. Parfait. Mais non, c'était vraiment... Mais crève les yeux, ça. C'est ça, non, c'était vraiment excellent. Les gens ont adoré cette démonstration-là, de ce nouveau glitch-là. Ça, c'est fun. C'est ça. Et puis, après ça, dans la nuit de... Ben, en fait, dimanche matin, il a présenté Gyrus. OK. C'est comme un peu l'espèce de niveau, c'est que t'es un vaisseau, t'as des amis qui apparaissent, puis tu dois traverser des vagues d'ennemis, là. Un genre de... Ouais, c'est quoi, astéroïde, genre? Ouais, c'est ça, sauf que c'est le seul jeu qui est fait circulaire. Ah, cool! Tu te promènes de façon circulaire avec ton vaisseau et les ennemis arrivent de façon circulaire et les boss sont au centre. Ouais. C'est vraiment original et Rock a le record du monde de ce jeu-là. Le record, on appelle. Et c'est ça, et finalement, ben, ça a été formidable. Il a fait un temps incroyable au marathon et c'est un jeu extrêmement difficile. Okay. Il y a tellement. En fait, tu sais, ils sont peut-être 4-5 à jouer le jeu, mais c'est vraiment parce qu'il n'y a pas plus de monde que ça capable de finir le jeu de façon régulière. Ok. Pour vrai, là, c'est hallucinant. Impressionnant. C'est ça. Donc, un très bel événement. Félicitations à tout le monde qui a présenté des jeux parce que c'est un 48 heures complet. Et puis pour ma part, en plus, on m'a mis sur deux shifts de nuit où je m'occupais de la technique, de l'animation. On m'a mis aussi sur le gestion du chat. Okay. Donc pour pas qu'il y ait de dérapage un peu là-dessus, les gens qui voulaient juste échanger de façon normale. Et puis on m'a mis minuit 8 les deux. Et puis je suis pas quelqu'un qui dort de jour, ben. Donc résultat, sur le 48 heures de l'événement, j'ai peut-être dormi 3 heures. Wow. Ouais. Donc, j'ai fait une sieste avant de me rendre à l'événement. Donc, de vendredi matin à dimanche soir, j'ai dormi 5 heures. Et puis là, ben, quand je suis arrivé chez nous dimanche soir, on est revenu dans la tempête. C'était de toute beauté. Mais c'est ça, je me suis endormi vers 9 heures. Puis quand j'ai ouvert mes yeux, le lendemain, il était à peu près 11 heures. Donc, j'ai presque dormi 14 heures en ligne. J'ai fait... Tu sais, c'était un cas de quand je m'avais dit, on est quelle année? Ça ressemblait à ça, là. Ouais. C'est vrai que j'ai dormi longtemps, mais ça a fait du bien. Ouais. Je récupère, là, c'était incroyable. Mais pour une bonne cause, ça valait la peine. Et le plus drôle, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, quand je faisais mon chiffre de nuit, on est supposé être 4 à s'occuper, à se diviser les tâches. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais je me suis ramassé à gérer le chat, à faire l'animation, à faire la technique, à faire la console. Ça va être le café aussi, là. J'ai pas bu de café ni boisson énergisante. Oh! Ouais, c'est ça. C'est vrai. Faut le dire. Ouais. Et là, un moment donné, il vient voir et il dit « Sam, pourquoi t'es rendu tout seul à travailler? » Puis je lui dis « Ben, les trois autres sont là. » Puis je leur pointe les trois cadavres en train de dormir. Ah, ils sont pas corrects. Faites-vous une rotation, voyons donc, c'est donc un manque de respect de la part. C'était drôle, donc c'est ça. Ouais. En fait, je pense qu'ils voulaient juste faire une petite sieste pour toffer le reste de la nuit. Finalement, ils sont jamais réveillés. Ben là, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que j'ai une chance, c'était la nuit, parce que justement, c'est un petit peu tranquille la nuit pour les dons, pour le chat, tu sais, les gens dorment. Donc, à la limite, il y avait peut-être quelques Européens qui étaient là encore actifs et quelques Québécois qui voulaient pas dormir pour pas manquer quoi que ce soit. Ouais. Mais à part de ça, c'était plus tranquille. Donc, ça m'a aidé un petit peu à tout gérer ça, mais c'était quelque chose. Fun. C'était quelque chose. Donc, c'était la fin de semaine passée. C'est ça, exactement. D'accord. Maintenant, pour un petit sujet que je voulais t'amener, on va parler de rétro. C'est pas juste l'événement qui compte. Je vais te parler de Mario 64. Oh. Plus spécifiquement, tu sais que c'est un des jeux speedrunning le plus populaire. Ben oui. On a un Québécois, Darrow, qui a présenté à l'événement une run de Mario 64. Donc, lui, son record, c'est, je pense, 2h03. Pas toutes les étoiles. 120. 120. 120 étoiles. 2h03. Ouais. Avec, évidemment, avec le stress du marathon, tout ça, il a fait 2h13, je pense. Ce qui est quand même excellent, on s'entend. Là. Juste vous donner une idée, je joue souvent au jeu, je fais à peu près 2h45. OK, donc ça vous donne une idée un peu de... Tu sais où sont les choses. Oui, je connais toutes. C'est pas une exploration à ce moment-là. C'est ça. J'ai décidé de vous amener l'évolution du record du monde. OK, parce que ça s'est fait au fil du temps. Donc le jeu, on vous rappelle, est sorti en 1996. Ça a été un peu un titre de lancement pour la Nintendo 64. Les gens ont adoré ce jeu, c'est devenu un grand classique immédiatement. Dans le temps qu'on lançait des jeux de Mario avec une console. Oui, non, on fait plus ça aujourd'hui. Et puis en 2004, on a eu notre premier speedrunner, donc Spider-Man 88000. Premier speedrunner confirmé sur Internet. C'est ça. Pour te donner une idée, il a enregistré son temps avec une cassette VHS. C'est en 2004, c'est pas si loin. Non, c'est ça. Il a fait 2h57 minutes 47 secondes. Pourri! OK, je viens de vous dire qu'aujourd'hui, je fais 2h45. Sans te forcer. C'est ça. Juste en jouant normal. Donc, c'était le premier à s'être dit, je vais le faire le plus vite possible. Ouais. Il est mort une couple de fois, il a fait des erreurs, puis bon, c'était tel que tel. Mais quand même, c'était le premier temps qui était enregistré que les gens ont fait « Wow, OK, le jeu peut être optimisé. » On s'entend, la mode des speedruns est un peu partie avec Mario Bros 3, Mario Bros 1, Mario 64. Ouais. Ça a été ça un peu. Ça a pris jusqu'à 2006 avant que quelqu'un s'attaque à ce temps-là. Et c'est Dragorn qui a fait 2 heures 9 minutes 45 secondes. Entre les deux. Oui, hein? Donc là, tout d'un coup, on était rendu avec des trucs qui sortaient de nulle part. Ça a été optimisé. C'est considéré comme étant le premier vraiment speedrun parce que lui, il est pas mort. Non. Et il profitait des glitches, des erreurs dans le jeu, etc. Oui, mais pas tant que ça. Okay. C'est juste que c'était exécuté sans mourir. C'était bien exécuté, ouais. Pas d'erreur. Bien pratiqué. C'est ça. Donc, 2006. Là, tout le monde s'est dit « Wow! » Donc, ça a pris jusqu'à... jamais ça. Ouais, ça a pris jusqu'à 2010 avant que quelqu'un s'attaque à ça. 4 ans. Oui. Donc, Batora, 1h52, 2 minutes. OK. Là, tout d'un coup, il y a des glitches qui embarquaient, passer à travers des murs, puis essayer toutes sortes de choses. Et puis là, ça a fait baisser le temps sous les 2 heures. Ouais. Là, ça devenait spectaculaire. 2011, Erumo, 1h51 minutes 36 secondes. Bon, là, c'est épinant, rendu là, et ça va gratter pendant un petit bout de temps. C'est ça. Là, c'est qu'est-ce qui est arrivé, c'est que justement, les gens sont mis à pratiquer, et là, on allait chercher des secondes par-ci, par-là. Ouais. C'est devenu ça. Ensuite, Honey, 1h48, 50 secondes. On change de dizaine. C'est ça. Siglemic, qui arrive en 2011, 1h47, 10 secondes. Hein? Honey reprend le record du monde avec 1h47, 5 secondes. On précisait pas les secondes tantôt. Là, ouais, on est rendu en 2012. Mm-hmm. 2012, il y a un nouveau joueur qui fait son apparition. Nero, 1h46, okay. 35 secondes. Siglemic, maintenant, qui a décidé, lui, qu'il faisait des 12 heures par jour à jouer au jeu jusqu'à temps de battre le record. Tu t'aimes pas là-dessus, Marie? T'as l'air que non. Mm. Siglemic, 1h46, 23 secondes. Honey revient à la charge. 1h45, 41 secondes. Là, ça devient extrême. Ça va être long, extrême, ça, là. Oui, ouais. Oui. Siglemic, encore une fois, 1h43, 54 secondes. Ils ont fait du ping-pong pendant combien de temps? Quand même un peu. Ouais. Quand même. Et là, ça a été ping-pong, et puis les deux diffusés en même temps. Je pense qu'à un moment donné, il y en a un qui a battu le record une journée, et l'autre, plus tard dans la journée, a battu le record. Écoute, c'était hallucinant. Il a dû le faire côte à côte dans la même pièce, tu sais. Ah, ça aurait été incroyable. Ça aurait été pas pire, hein? Mais c'est difficile un peu la logistique de ça, malheureusement. Et là arrive, si vous voulez, la nouvelle génération. On tombe en 2014, donc là ça on a skip été un bout, là. Ouais, c'est ouais. Ça. Donc là, ça a tenu depuis 2012 le record de Siglemic. C'était lui le gros joueur de 64. Et là arrive Punkation. 1h43, 42 secondes. Toujours dans la dizaine des 40 quelques. Est-ce qu'on va descendre en bas des 40 quelques? Oui, et là, évidemment, on veut passer sous la barre des 1h43. Et seconde par seconde, il y va. Et là, à chaque fois qu'il était sur une run de 1h42 quelque chose, non, là, ça, il arrivait quelque chose à la fin puis ça plantait. Ouais. Okay? Et finalement, 1h42, 59 secondes, il l'a eu. OK. Et là, il s'est dit « Wow, c'est incroyable! » En continuant à jouer, il s'est rendu à 1h42, 32 secondes. Et là, un moment donné, il est arrivé quelque chose que ça l'a aidé beaucoup les speedrunners, c'est que tu te rappelles, je sais pas si tu as joué assez, là, mais dans Worms Fortress, dans les premiers niveaux du jeu, là, l'espèce de tour, bon, il y a un moment donné, tu as une étoile à faire où tu dois viser qu'un canon dans un mur, ça brise le mur, et après ça, tu montes et tu t'en cherches l'étoile. C'est chiant ça, ouais. Bon. Mais il y a quelqu'un qui avait trouvé ça à un moment donné que quand t'es sur la planche de bois en haut... Mm-hmm. Celle qui tourne, celle, avec une plante pyramide? Non, l'autre. Non? OK, OK. C'est ça. T'as celle qui tourne, mais juste avant celle qui tourne, en fond, entre celle qui tourne puis la plante... Ouais. Ben non, t'as la plante entre les deux, en fait. Mm-hmm. Je vais te dire comme du monde. T'as juste une planche de bois, là. Ouais. Ben, les gens couraient sur la planche de bois. À un moment donné, ils tournaient à gauche, puis en tombant, si tu t'accrochais un peu sur le pixel du mur... où qu'il y avait l'étoile, tu pouvais ramasser l'étoile. Ça faisait le même effet que le canon, ça détruit le mur ou tu fais non, juste pas l'étoile? Non, ça détruit pas le mur, tu faisais juste agripper le pixel de l'étoile qui dépassait. C'est là, fort. C'est ça. Mais les gens essayaient ça, mais le problème, c'est que c'est tellement inconsistant. Comment timer ça pour que à chaque fois tu l'aies pour que tu puisses battre le record c'est de quelques ça. Secondes? Donc là, les gens, c'était une place où est-ce qu'ils devaient souvent recommencer ou c'était une perte de temps là. Pour moi, c'est au début du jeu. Oui, c'est ça. Même année, il y a quelqu'un qui est arrivé avec un truc pour l'avoir tout le temps. OK, et pas de farce, même moi, depuis que je fais ça, je l'ai jamais raté. Ah ouais? Ouais. T'as un petit avis justement au début, mais un coup que t'as la twist, là, plus de problème. Ça s'explique pas vraiment à l'oral, là. Ben, je peux te le dire. C'est quoi ce qu'il y a la planche de bois à m'amener si tu t'en vas proche d'où est-ce qu'il y a la plante? Puis, juste à côté de la planche, tu t'agrippes après le plancher, si tu veux, où est-ce qu'il y a la plante. Ouais. OK? Et là, tu montes, tu fais un backflip pour arriver sur la planche. Tu donnes un coup de poing, tu tournes la caméra. tu marches pour t'accrocher après la planche. Donc, tu t'en vas vers... Tu t'en vas pas vers la planche, tu t'en viens vers la caméra, si tu veux. Après ça, tu tournes la caméra. Pendant que tu montes, tu retournes la caméra et tu tiens le joystick par en bas. Mario va comme faire une espèce de U-turn, il va courir puis il va tomber directement sur le pixel. Ça, tu réussis à chaque fois, là, chaque fois. Il y a comme 15 étapes là-dedans. Ouais, puis à chaque fois, je l'ai. Okay. Au début, juste un petit peu de pratique. C'est sur YouTube, puis maintenant, ça, oui. Si quelqu'un qui veut l'apprendre, là, c'est le Canonless Worms Fortress. Ça le sent, juste ça, juste ça, tu vas tout trouver ce qu'il faut pour apprendre le truc. Ça me tente. Parfait. Ouais. Ça sauve beaucoup de temps. Et là, c'est ce qui a aidé les joueurs justement à se rendre plus loin dans le jeu et à descendre les temps. Un moment donné, Nero, qui était l'ancien tenteur du record du monde, et Punkation, qui avait le record actuel, soit dit en passant, Siglemic lui a disparu de la scène complètement un moment donné. Il a abandonné. Ouais. Plus de Twitch, plus de vidéos, plus rien, plus personne n'a entendu parler. Bon. Je pense que c'est tanné. Ben oui. Donc, c'est ça. Donc là, Nero et Punkation décident de faire des courses ensemble pour le fun. Et à un moment donné, ben, Nero, lui, qui était, qui avait eu le record du monde, c'était à 1h46-35. OK, là, le record actuel par Punkation est à 1h42-32. Et là, ils font une course, et à un moment donné, Nero, ben, ça va pas trop bien. Et puis après, au milieu du jeu, Gold, pour les gens qui veulent comprendre, quand que tu bats tes records sur ton split, mettons, tu fais un chronomètre, puis tu divises par étape, mettons, à chaque niveau. Maintenant, un goal, ça veut dire que t'as battu ton record à vie pour ce temps-là, à cet endroit-là. Et là, ça part. Gold. Il se met à battre tous ses temps pour chacun des niveaux. Là, les gens se disent, voyons, c'est pas ordinaire. Et il termine avec 1h42.15. OK. C'est une quinzaine de secondes, c'était ça? 7 secondes de gain sur l'ancien record du monde. Là, les gens vont, voyons donc, OK, il a fait la run de sa vie. Là, il s'est dit, ben, je vais rejouer encore. Fait qu'il a continué à jouer après ça dans les semaines qui ont suivi. 1h42.09. Oh. On fait comme, wow. Et là, arrive un nouveau joueur. Encore une fois, un certain Cheese05. OK? Et lui, de nulle part, 1h41.17 secondes. Donc, presque une minute. Quelques semaines plus tard, 1h41.12 secondes. Mm-hmm. Punkation, elle n'a pas se laissé faire. Hey. 2015, on est rendu. 1h40.59 secondes. Oh, ça approche d'une 1h40. Cheese leur lance. 1h40.52 secondes. Punkation réplique. 1h40.44 secondes. Mm-hmm. Et là, ça, c'était pas mal la limite que les gens ont dit. Non, ça marche plus, là. Ça marche plus. C'était la limite, là, les gens ont dit, OK, on n'est pas capable de dépasser ça. Le plancher est atteint. Beaucoup de gens se sont rapprochés de ce temps-là. On est rendu avec beaucoup de joueurs entre le 1h41 et le 1h45. Mais ça compte pas, ça. T'as pas battu le record, fait c'est que, ça, t'es pas dans les records du monde. Pas. Mais il y a beaucoup de monde là, pareil. Ouais. Faut quand même les mentionner, ils ont travaillé fort. Peloton. Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce que Cheese, à un moment donné, batte ce temps-là. Le batte encore. De façon significative? De quelques secondes, je parle. Jusqu'à ce que les gens commencent à se dire « Hey, est-ce que le 1h39 est possible? » Ah ouais, hein? C'est comme le chiffre magique. Ouais. Pourquoi le chiffre magique? Parce que les gens, il y a quelques années, il y avait un TAS, donc un Tool Assisted Speedrun, et le temps était de 1h39. Ouais, mais ça, c'est vraiment... pas correct, là. C'est pas pareil, ça, c'est un... Non, c'est fait par ordinateur. Ouais. Mais les gens se prennent ça comme cible, de dire, ben regarde, on peut pas tout faire par ordinateur, mais est-ce qu'on peut s'en rapprocher? Ouais. C'est comme une cible à atteindre. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a plus de trucs aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque de ça, mais le 1h39 est quand même très, très, très intéressant. Et Cheese, en 2016, et je me rappelle, je le regardais, il était vraiment en route vers le 1h39 aisément. OK? Pas de problème. Et quand il est arrivé au buzzer final, choke monumental. Ah, c'est là que les Taz auraient aidé pour reprendre ça. Mais... Il a quand même fait 1h40.10 secondes. Vraiment beaucoup, c'est bien ça. C'est ça. Ça a battu plein d'autres records. C'est le record actuel. OK, on est rendu en 2017 et là, tu sais, là il y a trop le chiffre magique 1h39. Ouais. Donc, c'est ça que les gens essayent d'atteindre. Vous allez sur Twitch, vous allez tous les trouver, même les noms que je viens de vous dire là. Allez voir leurs chaînes, ils sont très actifs. Mm-hmm. Sauf l'autre de tantôt qui est... Ouais, là, Siglemic, lui, il a oublié ça, vous le trouverez plus. Donc, j'espère qu'il va bien. Oui, il est correct. C'est juste qu'il a débarqué de la scène du Mario 64. Donc, c'est ça. Donc, c'est là qu'on en est aujourd'hui. Donc, les gens qui essaient d'avoir le fameux 1h39, ça va se faire un moment donné. On sait juste pas quand. Sachez qu'il y a d'autres catégories aussi, donc il y a le 70 étoiles. Mm-hmm. Donc le minimum requis pour aller battre Bowser. Donc il y a d'autres catégories là-dessus. C'est Cheese aussi qui a le record par rapport à ça. Un petit peu plus plate. Ah non, il est impressionnant pareil. Ouais, okay. Ouais. Après ça, les gens ont trouvé une manière de faire le jeu en 16 étoiles. Ouais. Okay. C'est-tu l'affaire que tu montes les escaliers avec tes fesses? C'est ça. C'est ça. Hein? BLG, donc le Backward Long Jump. C'est fun à voir, c'est quand même. C'est vraiment impressionnant. Donc, les gens trouvent une façon de faire le jeu avec 16 étoiles, mm-hmm. en utilisant le lapin pour passer à travers une porte oui, dans le sous-sol. Et après ça, le saut par en arrière pour monter les escaliers. Les escaliers sans fin, habituellement. C'est ça. Là. Ouais. Que là, ça se fait de même. Donc, il y a ça aussi qui était fait. Éventuellement, les gens ont trouvé une façon de faire le jeu avec une étoile. Uh-huh. Okay. Donc, en allant dans les trois niveaux de Bowser avec justement le saut par en arrière. Mm-hmm. Après ça, quelqu'un a découvert que si, pour le deuxième Bowser, donc celui dans la lave, si tu rentres par la porte de la bonne façon en faisant le saut par en arrière, pas une étoile, parce que tu rentres dans le monde de l'eau, tu vas chercher l'étoile sur le sous-marin de Bowser, et là, ça fait tasser le monde d'eau, puis ça l'ouvre, la cheminée pour descendre dans le niveau de Bowser, mm-hmm. dans la lave. Okay. Okay? C'est pour ça que ça prenait une étoile. Mais il y a quelqu'un qui a réussi à m'amener en glitchant à travers la porte, à glitcher aussi à travers le niveau d'eau. Mm-hmm. Il s'est ramassé à côté de la cheminée qui est cachée derrière le niveau de l'eau. Okay. Donc, il a pu faire immédiatement le niveau de Bowser, donc zéro étoile. Zéro étoile, ça c'est fort. Donc, on en est rendu là. Là, le prochain, ça va être d'aller voir directement Yoshi sur le toit. Spoiler alert. C'est déjà fait. Ah oui, pour vrai? Oui. Arrête, niaise. Tu niaises, mais il y a Chucky qui a réussi à embarquer sur le toit en commençant le jeu. C'est malade, ça? Je pensais qu'il était pas là sur le toit au début. Il est pas là. Il est pas là. Aller sur le toit au début. OK, OK. Mais Yoshi est pas là. Okay. Ouais, c'est ça. Mais d'aller sur le toit au début, tu peux. Il y a pas un glitch aussi à un moment donné que genre quand Yoshi s'en va, si tu tasses la caméra, tu réalises que Yoshi fait juste disparaître dans le ciel, tu vois? Il y a pas quelque chose ça se peut, ça. Je pense que j'ai vu ça sur YouTube. Ça se peut très bien. Il y a quelqu'un qui a réussi à améliorer, mais c'est en Taz, le 0 étoile. Okay. Donc, le 0 étoile, il faut que tu aies dans le premier Bowser, dans le deuxième et dans le troisième. Ouais. Il y a quelqu'un qui a réussi à sauter, à aller dans le sous-sol sans avoir la première clé. OK. Donc, tu as un Bowser de moins à faire. Hein? T'as juste le deuxième et le troisième à battre. Wow. Mais c'est ça, c'est juste en Taz. Ça fait combien de minutes, ça? Oh, c'est, je pense, un 4-5 minutes. Wow. C'est hallucinant. Mm-hmm. Donc, c'est là qu'on en est, Mario 64. C'est quand même c'est quand même un peu le Holy Grail du speedrunning. Le mythique. Très populaire. Donc, il fallait que j'en parle. On se peut comme ça que les temps évoluent au fil du temps. Et dites-vous que ça a été ça aussi pour beaucoup d'autres jeux. C'est sur longue échelle. Là. Oui, oui. Puis il y a des glitches qu'on trouve. Ouais, de 2004 à 2016, il y a plein de glitches que tu trouves au fil du temps. On en trouve encore. C'est ça, c'est fou pareil que les jeux des années 90 révèlent encore des secrets des années 2010. C'est en plein ça. C'est ça. Donc, c'est tout pour ma chronique. Merci, Sam. Plaisir. Extraordinaire. Mario 64. Oui. On se retrouve dans deux semaines pour notre chronique. Fidèle au poste. C'est bien Gérard, Gina Liberté. Les jeux du matin à 9h30. Bonne journée. Super Mario 64. That game has been down to the core. That game is sweet, playing it is not a big chore. You jump all around like a fool. Super Mario is super cool. So play it all day, play it today to go to school. It would help if I played it at first. Play a song, would it be so accursed? I wish I'd been warned, not be more. I think that my head is gonna burst. All they said, it is still a sweet game. I really have no one to blame. So play today, you won't be ashamed. This song is driving me insane. It's similar to crack cocaine. Addictive at first, I'm somewhat inhumane. Please give me some aspirin, I have a migraine. Migraine, I'm to blame. Everything ascertain. Jump around like a fool. Super Mario is super cool. So play it all day, don't go to school. It would help if I played it at first. Play a song, but it'd be so accursed. I wish I'd been born, not be more. I think that my head is gonna burst. All all that Saturday's still a sweet game. I really have no one to blame, so play it today, you won't be ashamed. Super Mario 64, that game is good down to the core. That game is sweet, playing it, not a big chore. You jump all around like a fool, Super Mario is super cool. So play it today, don't go to school. This song is driving me insane. It's similar to crack cocaine. Addictive at first, now somewhat inhumane. Please get me some aspirin, I have a migraine. Please get me some aspirin, I have a migraine. Vous êtes assez fou. 89. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Avec Six Kong Gorilla Gang. Remix d'une chanson de Donkey Kong Country 2 Diddy Kong Quest qui utilise les effets sonores et toute la musique du jeu original, remix tout ça. Fantastique travail. Et avant la pause, on a entendu la chanson originale Main Theme de Mario 64 composée par Koji Kondo mais réarrangée par Prophetic sur l'album Super Mario 64 Portrait of a Plumber. J'avais fait jouer cette série-là il y a quelques années. J'avais vraiment adoré cet extrait. Donc, il s'appelle 203 Junkie. Le lien est sur assemblagerequis.com si vous voulez le réentendre. Maintenant, c'est Television Television. Television, Television, où on parle des nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. On commence au Québec avec une seule nouvelle, et c'est quand même assez people, mais bon. Anne-Marie Wittincha et Mario Tessier qui vont animer une émission à la télé de Radio-Canada cet été, après Rebecca McCullen, qu'on avait déjà annoncé. Dominique Chaloux, donc la directrice générale de la télé de Radio-Canada, a annoncé les têtes d'affiche de la nouvelle émission estivale qui sera en onde à compter du 5 juin. Donc, ils formeront le duo d'animateurs de ce rendez-vous quotidien qui sera enregistré devant public dans un lieu qui n'a pas encore été confirmé. Ce sera une émission de cuisine, de culture et de communication avec quelques M comme comme musique et mojitos. Alors, c'est Marie Wittenshaw. Elle dit, je cite, « Je suis 5'4 et il est 4'5'0. Mon défi sera de lui montrer qu'il se passe quelque chose d'autre de l'autre côté du pont. » Évidemment, encore une fois, on parle toujours de juste Montréal. Le titre de cette quotidienne produite par Fairplay sera présenté du lundi au jeudi de 16h30 à 18h. Le titre, donc, n'a pas été communiqué encore. On va au Canada anglais. La série Cardinal qui a été vendue en Europe. Karine Vallas et Pods passeront de l'autre côté de l'océan Atlantique. Leur série Cardinal a été vendue plusieurs fois en Europe, apprend-on du Hollywood Reporter. Le thriller dramatique canadien diffusé en anglais sur CTV et doublé en français sur celle de Super Écran a notamment intéressé les dirigeants de la prestigieuse BBC en Angleterre. L'œuvre a également trouvé preneur en Espagne, en Norvège, en Suède et au Danemark. Cardinal est une mini-série de 6 épisodes réalisée par Pods et basée sur les romans de Giles Blunt, mettant en vedette l'enquêteur John Cardinal. Sous les traits de l'enquêtrice Lisa Delorme, Karine Vallas y tient le haut de l'affiche aux côtés de Billy Campbell dans le rôle-titre. Leur collaboration s'amorce avec la découverte du corps de l'adolescente de 13 ans dans une mine. La nouveauté qui a pris l'affiche en janvier depuis la production canadienne ayant enregistré les meilleurs codes d'écoute à son premier épisode pour la saison 2016-17. On va aux États-Unis, hein, ça va vite. Aujourd'hui, pas de grandes nouvelles, ni au Québec, ni au Canada, depuis les deux dernières semaines, en fait. Donc, à la Fox qui s'intéresse à un retour de Firefly, peut-être, mais avec une condition. Firefly, qui est une série culte, incontournable pour les amateurs de space western, de science-fiction, diffusée fin 2002 avec une seule et unique saison. Les fans avaient tous été très déçus de voir le projet disparaître si rapidement. Mais maintenant, la Fox, par l'intermédiaire de son président des programmes de ses émissions, se dit intéressé pour relancer la série à la condition de Joss Whedon, qui doit être le showrunner. Il n'y a pas de terme en français, j'ai cherché un peu. Donc, showrunner, c'est la personne qui s'occupe de la gestion en général de l'émission. La balle est donc désormais dans le camp du scénariste, réalisateur, producteur, exécutif de la série originale. Il faudra lui trouver un trou dans son emploi du temps. Nathan Fillion, de son côté, n'est plus engagé avec la série Castle et les autres personnages devraient pouvoir se rendre disponibles au besoin. La question maintenant est la suivante, nous dit ubergizmo.com. Avons-nous envie d'un retour de Firefly? Moi, je pense que tout le monde répondrait oui. Ron Glass, joué par Shepherd Book, est mort l'année dernière. Donc, ramener la série avant les événements du film Serenity, qui était basé sur Firefly, serait donc impossible sans toucher au casting. Donc, on verra. On va suivre les détails pour le retour potentiel de Firefly. Ensuite, Nick Cannon a quitté America's Got Talent. Vous connaissez le titre francophone du talent à revendre. L'animateur de la populaire télé-réalité Nick Cannon a annoncé sur sa page Facebook qu'il quittait son poste qu'il occupait depuis quand même 2009, puisque le diffuseur de l'émission NBC l'aurait menacé de résilier son contrat en raison d'une blague à caractère raciste qu'il a fait dans une émission diffusée sur la chaîne Showtime, une chaîne payante. Dans son numéro, il blaguait à propos du fait qu'il avait grandi comme un négro et que depuis qu'il animait America's Got Talent, il ne pouvait plus faire des blagues de négro puisque des blancs assistaient à ses spectacles. Donc, c'est une citation ici. Et c'est NBC qui lui avait fait des menaces. Il a dit, gars, si vous devez avoir du contrôle sur moi, ben je vais juste m'en aller. Je ne suis pas un objet. C'est à peu près ce qu'il a dit. Et tant mieux pour lui, d'ailleurs. On le respecte énormément. On reste dans le domaine des Noirs avec une première Bachelorette Noire sur ABC, la chaîne qui a sélectionné pour la première fois une femme noire comme vedette de sa populaire télé-réalité Bachelorette. Rachel Lindsay sera donc la célibataire que les participants devront séduire dans la 13e saison de la série dérivée de la version masculine The Bachelor. L'annonce de sa sélection a été faite au talk show de Jimmy Kimmel et cette nouvelle n'a pas enthousiasmé les mordus de la télé-réalité pour la simple et bonne raison, non pas qu'elle est noire, mais c'est que ça a donné à l'époque, il y a quelques semaines, donc un indice sur le dénouement de la saison actuelle de The Bachelor, où Rachel Lindsay tentait toujours d'obtenir les faveurs du concurrent Nick Vile. Malgré tout, la jeune femme a confié à Jimmy Kimmel qu'elle était prête à trouver l'amour et un mari et elle a encouragé le public à convaincre tout célibataire potentiellement intéressé à s'inscrire à l'émission The Bachelorette qui prendra l'antenne au mois de mai. Une mini-série sur la princesse Diana sur ABC. La princesse donc sera le sujet d'une mini-série documentaire de 4 heures qui sera présentée par la chaîne ABC en août. Projet commun de ABC et du magazine People, la série sera diffusée en 2 soirs pour maximiser les codes d'écoute bien sûr. Inclura donc des conversations en profondeur avec les personnes qui ont bien connu la princesse, de même que des images d'archives. La mini-série rappellera au monde pourquoi il était tombé amoureux de Diana, lit-on dans l'annonce. L'émission soulignera le 20e anniversaire de la mort de la princesse, décédée à l'âge de 36 ans dans un accident d'auto à Paris le 31 août 1997. Donald Trump inspire American Horror Story. Oui, la politique américaine ressemble de plus en plus à une histoire d'horreur, nous dit la presse. En fait, nous dit... oui, c'est ça la presse. Ce n'est pas... seulement eux qui le disent, mais le réalisateur et producteur Ryan Murphy, qu'on connaît pour Glee ainsi que Nip Tuck. Invité à l'émission de Andy Cohen, Watch What Happens Live, Murphy a dévoilé le thème de la prochaine saison de American Horror Story, la récente campagne électorale à la présidence des États-Unis. Et Donald Trump sera peut-être, entre guillemets, un des personnages de la série d'anthologie diffusée sur la chaîne FX. Le tournage de la saison 7 débutera au mois de juin, et on sait déjà que Sarah Paulson et Evan Peters feront de nouveau partie de la distribution. Tout ça via Variety. Ensuite, on va à l'international en France. TF1 qui veut mélanger e-sports et télé-réalité. Qui a dit que la télé-réalité était morte et enterrée, nous demande l'article. Elle se cherche seulement de nouveaux concepts qui plairaient à un certain public. Et pourquoi pas en profitant de la popularité grandissante des sports électroniques. C'est ce que tente TF1 avec Gaming Inside Experience. Évidemment, hein, en France, l'émission a pas le choix de s'appeler Gaming Inside Experience. Une télé-réalité autour de joueurs de League of Legends. Donc, un gaming house de 300 mètres carrés avec de grands professionnels du jeu vidéo et 10 candidats ultra motivés. On les enferme pendant 2 mois et on leur annonce leur objectif qui sera de se qualifier au championnat du monde Challenger Series de League of Legends. Tout sera filmé 24 heures sur 24 avec un relais à la télé. Ça donne donc une nouvelle télé-réalité. 10 joueurs pros seront répartis en 2 équipes, une de 5 filles et une de 5 garçons. L'aventure des 2 équipes sera suivie à l'intérieur et à l'extérieur de la maison sur le numérique, sur Internet 24 heures sur 24 et une fois par semaine dans une émission quotidienne. Sur non, en fait, ça va être une chronique, un segment dans l'émission quotidien sur TMC. Donc, on ne sait pas si ça va avoir du succès. On verra bien. Ça va être lancé environ en avril. Ensuite, toujours en France, il était une fois la vie se refait une beauté et débarque sur France 4. Si vous avez peut-être mon âge, vous connaissez probablement ce générique. La vie. Le dessin animé, il était une fois la vie, donc qui est de retour. À partir du mois de mars, France 4 va diffuser une version restaurée de la célèbre série éducative. C'est via la page Facebook de la société de production Hello Maestro que l'annonce a été faite. Mais les plus impatients et ou nostalgiques pourront se rendre sur le site ludo.fr. En fait, c'est déjà fait à partir du 4 février. Pour découvrir les 26 épisodes de la série imaginée par Albert Barillet et dessinée par Jean Barbaudès, où les globules rouges ont des jambes et transportent sur leur dos des petites bulles d'oxygène, tandis que les virus sont les méchants de l'histoire, le tout sous l'égide du sage Maestro et sa longue barbe blanche. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, un graphiste du studio Micros Images explique comment cette restauration de plusieurs mois a pu être effectuée, notamment pour adapter les images au format 16:9. Une série culte donc à découvrir ou à redécouvrir à tout âge en mars sur France 4 et bien sûr sur Internet en quelque part, éventuellement. J'aimais bien cette série-là, il était une fois la vie dans ma jeune jeunesse. Ensuite, on va plus loin à l'international encore. On va parler de World of Warcraft, qui a une émission de cuisine officielle maintenant en Asie. Donc World of Warcraft, qui est un succès planétaire depuis de nombreuses années, les produits dérivés sont légion et très variés, parfois bien loin de l'univers du jeu vidéo. En Corée du Sud, c'est une émission de cuisine sous licence officielle qui vient de voir le jour. L'émission en question s'intitule « Wow Recipe, the meal is ready ». Wow pour World of Warcraft. Les participants auront pour mission de préparer des plats inspirés de Warcraft, tout cela sous l'œil attentif du chef sud-coréen et joueur de World of Warcraft, Choi Yoon-seok. Une émission tout à fait insolite qui devrait permettre de découvrir des recettes uniques sur le thème du MMORPG, les jeux massivement multijoueurs et en ligne, qui séduit encore des millions de fans. Pour satisfaire l'insatiable appétit de bon nombre de geeks, il y a une petite annonce, une présentation, une bande-annonce, voilà, sur assemblagerequis.com. Ensuite, on va sur Internet avec Castlevania qui va être adapté en dessin animé pour Netflix en 2017. La populaire série de jeux vidéo de Konami a été annoncée comme faisant partie des prochaines productions originales de Netflix qui seront ajoutées à son catalogue cette année. Donc oui, Castlevania, le classique jeu de chasseur de vampires sera décliné pour le petit écran. C'est There's Never Enough TV qui a cité Castlevania Season 1 Part 1 Coming to Netflix in 2017, donc saison 1, épisode 1 sur Netflix en 2017. On ignore par cette courte déclaration si l'intrigue de la série s'alignera avec le tout premier jeu, mettant en vedette le personnage de Simon Belmont ou ses ancêtres et descendants, si elle s'inspirera plutôt de ses plus récents jeux ou s'il est plutôt question de redémarrer la franchise avec une histoire fortement inspirée mais différente. Il faut dire que les premiers jeux étaient fondamentalement un hommage au cinéma d'horreur, confrontant Belmont notamment aux monstres de Frankenstein, Méduse de la mythologie grecque et Dracula. Et il sera intéressant de voir si cette notion qui s'est dissipée progressivement avec les suites effectuera un retour ici, nous dit Branchez-vous. Chose certaine, la production devrait être prudente de ne pas enfreindre certains droits d'auteur, plus précisément l'apparence, entre autres, du monstre de Frankenstein, fortement inspiré de celle de Universal dans le cas du premier Castlevania. De son côté, le producteur Ali Shankar, qu'on connaît entre autres pour les reprises de Judge Dredd et Power Rangers, a confirmé sur Facebook qu'il coproduira la série en question. On raconte également que Warren Ellis, qu'on connaît de Iron Man, serait scénariste de la première saison. Mais l'information la plus intéressante au sujet de cette adaptation, nous dit l'article, est apparue en début de semaine dans le Globe and Mail de semaine dernière. Michael Hirsch, le réputé producteur télé œuvrant dans l'industrie du cinéma d'animation au Canada, a confirmé au quotidien que l'un des premiers projets de sa nouvelle entreprise d'animation, WOW Unlimited Media, sera donc la série Castlevania de Netflix. Parler de programmation pour enfants est-il une maladresse de la part de Hirsch? Il a dit « C'est ma prochaine aventure dans la programmation pour enfants. » Axé sur la jeunesse, l'occasion de construire une entreprise de nouvelle génération pour diriger l'industrie. On ne sait pas encore, les jeux de Castlevania ont toujours été destinés à un public plus mature, nous rappelle Branchez-vous. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, le premier Castlevania qui est paru en 86, ce qui signifie que la série devra également plaire aux trentenaires si Netflix compte exploiter la nostalgie pour s'attirer de nouveaux abonnés. Toujours sur Netflix, Mindflix, il est possible de contrôler Netflix par la pensée. Netflix offre déjà une solution fort sympathique pour qui veut passer des heures affalé dans son canapé ou allongé dans son lit. Chaque année, l'entreprise organise un Hack Day durant lequel les employés exposent leurs idées les plus folles autour du service de vidéo sur demande. Vidéo, oui, j'ai prononcé en anglais. Donc voici Mindflix pour contrôler Netflix par la pensée. Si pour vous, utiliser la télécommande pour gérer vos séances de binge-watching est trop fatigant, le projet de Ben Hans, Sagar Patil, Steve Anderson et Andy Law pourrait vous intéresser. Les quatre collègues ont utilisé un casque à EEG et électroencéphalogramme, ça, hein, je crois. Je vais juste aller vous vérifier pour être certain. EEG. Électroencéphalographie, exactement ce que je pensais. Donc ça s'appelle Muse pour en faire une télécommande pour Netflix. Bougez la tête en haut ou en bas ou de gauche à droite et vous vous déplacerez dans l'interface. Une fois la série ou le film sélectionné, il suffit de penser au mot ou à l'action play pour lecture pour que la vidéo démarre. Une petite vidéo de démonstration où le système fonctionne quand même bien. Donc allez voir sur assemblagerequis.com. Toujours chez Netflix, on recrute pour vendre des produits dérivés. Netflix se développe, non content de sa plateforme numérique initiale, le plus grand service, en fait, non, la plateforme DVD et ensuite de vidéos sur demande. Bref, il se lance dans le produit des marchés dérivés, dans le marché des produits dérivés, voilà. Donc, en effet, la société aimerait proposer à ses partenaires de vendre sous licence des produits dérivés tirés de ses séries et elle cherche de nouveaux talents pour l'y aider. L'intégralité de l'offre est consultable sur le site de Netflix, mais on peut souligner que l'entreprise cherche quelqu'un avec une dizaine d'années d'expérience en gestion de licences avec des marques de divertissement reconnues. Le recruté aura principalement pour mission d'établir des partenariats avec de nouveaux distributeurs et de superviser la production des jouets, livres et BD inspirés de licences. Netflix justifie la commercialisation des produits dérivés comme un complément de son activité première, puisqu'elle permettrait de promouvoir ses titres et de leur permettre de rester plus longtemps des centres d'intérêt populaires. De plus, ces ventes matérielles devraient fournir une nouvelle source de revenus à la plateforme en ligne, qui peine à maintenir son taux de croissance annuel. Toujours chez Netflix, trois hacks qui auraient leur place sur Netflix. Lors de son dernier Hack Day, on en parlait il y a quelques secondes, Netflix a présenté plusieurs idées, certaines purement loufoques et d'autres qu'on aimerait voir intégrées au service rapidement, nous dit 01net.com. Du bouton ultime qui éteint la lumière, allume le téléviseur et lance Netflix à la paire de chaussettes intelligentes qui interrompt un épisode en cours de lecture quand vous vous êtes endormi. L'humanité et éventuellement les abonnés au service américain Netflix donc doivent beaucoup au Hack Day. Le dernier en date... dont les résultats ont été communiqués le 30 janvier, a permis aux équipes de développement de produits de faire étalage de leurs talents et de leurs bonnes idées. Donc, on passera sur le pull de Noël connecté conçu pour communiquer avec les victimes de Demogorgon ou votre voisin de table et on s'intéressera à trois hacks, qu'on aimerait vraiment voir arriver sur le service qu'on utilise au quotidien, nous dit l'article. Bon, on a parlé de Mindflix tantôt. Ensuite... quand toute la famille utilise Netflix, mieux vaut créer des comptes séparés pour éviter de voir les recommandations de chacun polluées par le goût des autres. Mieux vaut éviter ces crises dans le couple où on vous somme de vous expliquer. Voilà. Même si les comptes kids sont très pratiques, on souhaite malgré tout parfois garder un œil sur ce que regardent les autres utilisateurs, ne serait-ce que pour ne pas rater une bonne nouvelle série. C'est ce que propose le mode Picture in Picture présenté lors du dernier Hack Day. Alors que vous regardez une série, il est possible de visualiser ce qui est en train d'être regardé sous forme de petites vignettes qui s'affichent en haut à droite de l'écran. Si le contenu attire votre attention, vous pouvez le passer en plein écran et votre propre programme rejoint alors les autres vignettes. Pour l'instant, cette option, qui ne verra peut-être jamais le jour, ne fonctionne qu'avec les utilisateurs d'un même compte. Il n'est donc pas possible de savoir si vous avez pris du retard sur le visionnement d'une série qu'un de vos amis suit également. De même, il ne semble pas possible de mettre en pause la lecture du contenu d'un autre utilisateur si vous estimez par exemple que Valhalla Rising n'est pas un bon programme pour votre enfant de 6 ans. Les équipes de Netflix sont parties d'une constatation simple. Certains documentaires parlent de combats et de causes justes qui peuvent susciter des réactions d'empathie de la part des personnes qui les regardent, les spectateurs qui peuvent avoir envie de soutenir une cause en réalisant un don. Pour ce faire, les ingénieurs de Netflix ont rajouté un bouton en forme de cœur dans la barre de lecture, baptisé Netflix for Good. En cliquant dessus, on active une fenêtre qui propose de réaliser un don pour une ou plusieurs associations qui défendent les intérêts présentés dans le documentaire. On choisit le montant du don, on clique sur le bouton et voilà. Par exemple, on pourrait pouvoir donner à tout moment dans Retour vers le futur pour financer le développement d'une machine à voyager dans le temps. Exemple. En attendant de voir si Netflix va les intégrer, on est assez impatient de découvrir ce que ces ingénieurs vont présenter lors du prochain Hack Day qui devrait se tenir au printemps. Voilà. On va sur Facebook maintenant qui débauche une directrice de MTV pour créer du contenu original. C'est une question de temps avant que Facebook ne s'attaque à Netflix, YouTube et les autres. Au début du mois, le Wall Street Journal, on parle du mois... de quel mois? Ils marquent jamais les dates sur leurs articles. Hein? Ah oui, au début du mois de février, voilà. Le Wall Street Journal rapportait que Facebook travaillait au développement d'une application destinée aux lecteurs multimédia. Le but étant de distribuer plus largement les vidéos de son site vers les téléviseurs. Il était également question pour Facebook d'adopter une stratégie similaire à celle de Netflix, obtenir les droits de distribution de certains contenus primés comme des films ou des téléséries. Tandis que la nouvelle a rapidement circulé dans les médias spécialisés, TechCrunch a choisi d'illustrer son article avec un amalgame du logo de Facebook et de la chaîne MTV. Donc, on apprend que Mina Lefebvre, ancienne présidente, vice-présidente, directrice de la programmation scénarisée de MTV, est devenue responsable du développement de Facebook. Selon Deadline, Lefebvre prêtera main forte par son expérience à titre de directrice chevronnée dans le domaine de la télé à l'équipe de Ricky Van Veen, responsable de la stratégie créative mondiale de Facebook et cofondateur du portail vidéo humoristique College Humor. Manifestement, les plans de Facebook pour s'attaquer au marché du divertissement vidéo apparaissent de moins en moins comme des paroles en l'air. On va ensuite sur Snapchat. Second Chance, une nouvelle télé-réalité exclusive à Snapchat produite par Arts Entertainment A&E Networks, qui annonce donc avoir conclu un partenariat avec Snap qui verra naître une nouvelle télé-réalité déployée dans la section en marge de Discover et Stories sur Snapchat. La série Second Chance mettra en vedette d'anciens couples qui se retrouveront face à face, tentant ainsi d'explorer le point de rupture de leur relation pour la première fois depuis leur séparation, afin de peut-être trouver une réconciliation. Il s'agit d'une première émission de type télé-réalité produite par un réseau spécifiquement pour Snapchat et qui n'est rattachée à aucune propriété télévisuelle existante. Elle est le fruit de 45th and Dean, une agence fondée l'an dernier par A&E pour développer des contenus de marque destinés aux plateformes numériques. Un total de 8 épisodes seront diffusés chaque semaine dans une section consacrée à ce type de contenu sur Snapchat pour les gens résidant aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Cette nouvelle formule de Snapchat annoncée par l'entreprise l'an dernier s'apparente davantage à des émissions de télévision conventionnelles que les contenus qu'on retrouve présentement dans les sections Discover, produits par des tiers, et Stories, qui sont produits évidemment par des utilisateurs de Snapchat. Les émissions ne disparaîtront pas après 24 heures, contrairement à ce qu'on retrouve ailleurs sur l'application. Des sources du domaine médiatique et publicitaire ont déclaré à Business Insider qu'une des raisons pour lesquelles elles sont réticentes à investir sur la plateforme est liée à sa popularité et au fait qu'il s'agit de la toute dernière tendance. Pour sa part, Snap est à la recherche d'investissements importants de 100 à 200 millions de dollars US de la part des médias afin d'assurer que sa plateforme demeure fraîche et attrayante pour les annonceurs. En déposant sa demande d'entrée en bourse la semaine dernière, Snap a affirmé dans son document que la publicité sur Snapchat était plus performante que celle exploitée dans l'industrie télévisuelle. Snap mentionne d'ailleurs que de nouveaux contenus développés en partenariat avec ABC, NBC et Turner devraient également être déployés dans cette nouvelle section bientôt. Donc, on va voir ce qui va arriver avec tout ça dans le futur. La BBC qui a aussi annoncé son intention de diffuser sur Snapchat 6 épisodes hebdomadaires de la série Planet Earth 2, des petites capsules de 5 minutes qui sont disponibles depuis le 17 février, donc une journée avant le début de la diffusion de la série télé. On reste en streaming avec les Québécois qui tombent sous le charme du streaming. Eh bien, bye bye satellite et lignes terrestres, nous dit la presse. Bienvenue Spotify, Netflix et Télé 4K dans les demeures des francophones au Canada, selon le plus récent rapport de l'Observateur des technologies médias, dont voici les petits faits saillants. Technologie en déclin pour le taux actuel d'adoption. Oui, on parle de télé par câble à 55%, télé par satellite qui a descendu de 14%, télé hertzienne de 6%. Technologie en expansion, on parle des abonnés de Netflix qui ont monté de 22%, téléviseurs intelligents 41% et téléphones intelligents à 68%. Donc, si vous regardez la télé, mais que vous n'avez pas le câble, pas de satellite, pas d'oreille de lapin, vous faites partie d'une nouvelle catégorie créée cette année par l'Observatoire des technologies médias, un outil de recherche fondé par CBC Radio-Canada en 2005. Selon sa plus récente enquête menée l'automne dernier auprès de 4010 francophones canadiens, 5% des francophones sont des téléspectateurs sans contrainte qui regardent la télé sur différents sites et services de diffusion en continu. Pourcentage, donc 22% le pourcentage des francophones abonnés à Netflix contre 44% pour l'ensemble de la population canadienne. Malgré son contenu limité en français, précise le rapport, ce service a vu son taux d'abonnement chez les francophones grimper de 16% en un an. Notez que Netflix a maintenant des concurrents avec, entre autres, Club Illico qui attire 8% des francophones et la formule par abonnement de issutout.tv qui attire 4%. 41%, c'est la proportion des francophones canadiens qui possèdent un téléviseur intelligent capable de se connecter à Internet sans autre appareil. La moitié de ses propriétaires affirment ne pas être connectés à Internet dans le mois précédant l'enquête. Une technologie à un taux de pénétration assez élevé chez les francophones, plus que chez les anglophones. On parle de l'Ultra HD ou encore 4K. Quelques 7% des francophones affirment posséder une télévision de ce type, contre 4% des anglophones. 22%, plus d'un francophone sur 5 est abonné à un service de musique en continu, contre 29% à l'échelle canadienne. Globalement, les services préférés chez les abonnés sont Spotify à 36%, Google Play à 28% et Apple Music à 23%. 68%, c'est la proportion des francophones possédant un téléphone intelligent, de 7% en un an. Les 5 types d'applications les plus utilisées par les Canadiens sur leur téléphone sont le courriel à 89%, la météo à 78%, les réseaux sociaux à 70%, les nouvelles à 58% et les services bancaires à 55%. Et puis 19% de futurs débranchés. Près d'un abonné sur 5 à un service de ligne téléphonique terrestre au Canada a déclaré qu'il était très ou assez probable qu'il le débranche au cours de la prochaine année. Voilà. Votre téléviseur intelligent Vizio vous espionnait. Ouais, on dit qu'il y a anguille sous roche pour expliquer le prix généralement très inférieur des téléviseurs connectés de Vizio. J'ai entendu tellement de commentaires positifs à travers le passé, maintenant ça a peut-être changé. L'entreprise y recueillait chacun des contenus que vous regardiez. Selon une plainte déposée auprès de la Federal Trade Commission, qui est l'équivalent du Bureau de la concurrence pour le Canada, Vizio a collecté quotidiennement jusqu'à 1 milliard de données à partir de sa flotte de téléviseurs intelligents qui s'est installée sur le marché depuis 2014. La précision de cette collecte de données était telle que l'entreprise pouvait savoir avec exactitude les contenus que vous regardiez. La technique employée par Vizio consistait à surveiller une sélection de pixels prédéterminés à la seconde près et depuis n'importe quelle source afin d'établir les correspondances avec les contenus de sa propre base de données. L'entreprise pouvait ainsi identifier les films, téléséries, publicités qui étaient affichées. Comme le souligne Forbes, cette méthode est similaire à la fonction Content ID sur YouTube qui lui permet de détecter si un contenu vidéo est protégé par droit d'auteur. Que faisait Vizio avec cette information? Elle la revendait à des tiers, selon un contrat qui toutefois interdisait d'identifier les consommateurs par leur nom, mais qui permettait d'établir une foule d'autres détails personnels comme leur sexe, âge, revenu, état matrimonial, éducation et ainsi de suite. C'était historique de votre consommation était jumelée à votre adresse IP, la même que celle utilisée par les ordinateurs et appareils mobiles de votre réseau domestique. C'est pas la première fois qu'il est question de ce type de cybersurveillance auprès des téléviseurs connectés. En 2013, LG a été sévèrement critiqué pour agir de la sorte avec ses propres appareils par le biais d'une fonction qui était actif par défaut. L'entreprise sud-coréenne a corrigé le tir par la suite. Ce service est devenu opt-in, donc on devait s'inscrire physiquement. C'était inactif à moins qu'on l'autorise. C'est le cas également avec les téléviseurs de Samsung. Au contraire, dans la concurrence, les consommateurs n'étaient pas clairement avisés de ce que Vizio faisait à l'arrière-scène, toujours selon la FTC, et à cet égard, Ars Technica avait d'ailleurs déjà sonné l'alerte en 2015. Vizio a accepté cette semaine, récemment, donc de verser 2,2 millions de dollars US afin de régler l'affaire, soit 1,5 million US à la FTC et 700 000 dollars à l'État du New Jersey où la plainte a été déposée. L'entreprise promet également de cesser toute collecte de données sans le consentement explicite de ses utilisateurs. Et pour terminer, 2017 sonne le glas, enfin, des télévisions en 3D. On a parlé tantôt de l'avancée de la 4K, et bien voici que la 3D recule. Ça devait être une grande révolution dans la télévision de salon et les constructeurs se sont jetés corps et âme dans le développement de ces nouveaux écrans, nous dit Clubic.com. Les écrans 3D, inspirés du succès quand même assez relatif de la technologie 3D dans les cinémas, les téléviseurs 3D devaient envahir les salons du monde entier. Malheureusement pour les constructeurs, ce ne fut pas le cas. Comme le signale CNET.com, cette technologie pourrait bien avoir été enterrée. En effet, lors du dernier CES qui s'est tenu au début du mois de janvier, on n'en a pas vu. Les films en 3D continuent d'être réalisés et diffusés dans les cinémas disposant de la technologie, c'est-à-dire la majorité. Les blockbusters américains restent friands de la 3D depuis le succès de Avatar de James Cameron, qui a réellement lancé la tendance en 2009. Dès 2010, convaincu que la 3D serait le futur, Sony et LG ont proposé leur premier modèle dont les prix étaient à l'époque très élevés. La technologie a évolué, les prix ont baissé, mais le public n'a toujours pas été au rendez-vous. Malgré des Blu-ray compatibles 3D et de plus en plus de films tournés dans le but de répondre à ces technologies, les téléviseurs 3D sont restés sur les étalages. Désormais, d'après ce qu'on a pu voir au CES, les deux derniers constructeurs de télévision 3D vont arrêter leur production. Sony et LG n'ont présenté aucun nouveau modèle en 3D. Ah voilà, donc la télévision 3D qui n'est plus. Pendant quelques années, les amateurs pourront encore se procurer les derniers modèles qui ont été produits et puis ce sera terminé. Pas sûr que la technologie refera un jour surface. Les télévisions se concentrent désormais, comme on l'a dit tantôt, sur la 4K et bientôt la 8K. La réalité virtuelle, prochaine grosse évolution, tout comme la réalité augmentée, pourrait remplacer les télévisions 3D et offrir une expérience nouvelle pour les films et les séries, sans compter les jeux vidéo, à moins qu'ils ne connaissent le même sort que les écrans 3D. Voilà, c'est tout pour ce blog de Television. Tout à l'heure, on fera CNX, le segment geek, mais avant ça, on écoute une pièce produite par Cytone, featuring Schaefer the Dark Lord, par les artistes de My Parents' Favorite Music. Voici Pumpkin Zone, MPS le Mathieu Plante Show sur CIF. Now make way for your new 89.1 FM. 89.1 FM. Gorgeous about what we're doing here. There's nothing beautiful about it. Drugs can make the sad become fun. Drugs can make the dark go bright. Drugs can make you feel the sun, even though it's been gone all night. I know just how it feels. You know that it's not real. I know just how it feels. You make the venom rush to my head. It's just one punch and then I'll be red. You make the venom rush to my mind. It's just one crush. Then I'll be blind. You made the venom rush to my head. It's just one flash, and then we're in bed. You made the venom rush to my mind. It's just one flash, and then I'll be blind. With the mind wakens from comatose, destiny is overtaken. I know just how it feels. You know that it's not real. I know just how it feels. You make the venom rush to my head. It's just one crush, and then I'll be red. You make the venom rush to my mind. It's just one flash, and then I'll be blind. You make the venom rush to my head. It's just one crush, and then we're in bed. You make the venom rush to my mind. It's just one flash, and then I'll be blind. Escaping the past is what we want. Getting together. C'est Silent Venom cover qu'on vient d'entendre par JKLO. et son hommage au chiptune. L'album s'appelle Awestruck. Vous pouvez retrouver le lien sur assemblagerocky.com. Et avant la pause, on a entendu une chanson qui faisait un petit peu épeurante. C'était Pumpkin Zone featuring Schaefer the Dark Lord, produite par Cytone. C'était par My Parents' Favorite Music et ça contenait un sample de Thriller par Michael Jackson. Quand même intéressant. Maintenant, c'est le segment geek, c'est Alex. CNX, la collègue dans laquelle on parle de choses cool, nouvelles et extrêmement intéressantes, donc les nouvelles technologiques de la semaine. Commençons par une puce RFID, oui, je l'ai mentionné en introduction de l'émission, une puce RFID implantée sur des salariés belges comme badge d'accès. New Fusion est une société belge spécialisée dans le marketing numérique qui a décidé de recourir à des implants RFID sous-cutanés, donc en dessous de la peau, pour remplacer les badges d'accès. 8 salariés ont déjà accepté d'utiliser cette technologie qui leur permet de déverrouiller les portes et d'accéder à leur ordinateur sans avoir une carte à passer. Hein? Donc, des salariés de la société belge ont fait ce choix-là. Selon Le Quotidien, le soir, 8 employés de cette société spécialisée dans le marketing numérique ont consenti à se faire implanter une puce qui leur sert de sésame. Le bio-implant en question, qui fait la taille d'un grain de riz, est inséré dans la main, dans la zone charnue située entre le pouce et l'index. La description ressemble fortement au type d'implant sous-cutané que propose la compagnie Dangerous Things en Amérique du Nord. Une capsule de 12 par 2 mm en bio vert qui contient une étiquette électronique RFID capable avec la technologie de champ proche NFC type 2. Cette puce a été développée par Amal Grafstra, un biohacker. Lors d'une conférence TEDx, il a défendu l'idée que cette technologie est, selon lui, l'avant-garde de l'évolution pour l'humanité. Et Grafstra utilise lui-même 2 bio-implants depuis 2005 pour ouvrir sa porte d'entrée, déverrouiller la serrure dans sa voiture ou encore accéder à son ordinateur. Des implants similaires sont également employés par une vingtaine de personnes en République tchèque. Là-bas, c'est Paralelní Police, une association à but non lucratif qui tient un café qui propose cette solution comme mode de paiement de consommation en bitcoins. Malgré l'éclairage médiatique que ce genre d'initiative peut recueillir, il faut tout de même relativiser l'ampleur de ce phénomène qui reste pour le moment confiné à la sphère des biohackers, nous rappelle Futura Science. On ajoute que ces derniers mènent leur expérience en l'absence d'un cadre légal et sanitaire. À l'évidence, le recours à ce type de technologie dans un cadre professionnel soulève de nombreuses questions quant à la sécurité des personnes et le respect de leur vie privée. L'urine pour recharger son téléphone portable maintenant. Oui, c'est désormais possible, mais pas tout à fait comme on l'imagine. Au centre de bioénergie de Bristol, on récupère l'urine pour la transformer en électricité. Le liquide peut servir à alimenter des ampoules ou à recharger des téléphones portables. Démonstration donc avec Jonathan Winfield, le directeur adjoint du centre, qui nous dit qu'il verse l'urine dans l'urinoir. Ce n'est pas qu'un déchet organique, mais bien un carburant pour une boîte de piles à combustion microbienne située derrière la paroi du mur où est disposé l'urinoir. À l'intérieur de la boîte, on a des chambres où sont emprisonnées des bactéries. Celles-ci vont se nourrir de l'urine et produire des électrons. Ces électrons, on les collecte et on les transforme en électricité ou en énergie pour recharger un téléphone. Et quelques secondes plus tard, un voyant passe au vert et la batterie se recharge. Dans l'urine, les bactéries se développent. Elles produisent de l'hydrogène et des molécules carbonées génératrices d'électrons. Les chercheurs du Centre de bioénergie de Bristol ont déjà mené des tests grandeur nature. En 2015 et en 2016, ils ont installé leur toilette autonome en électricité dans les allées du festival de Glastonbury. Avec 175 000 festivaliers présents sur 5 jours, ils ont pu pousser un peu plus loin leur recherche et le test s'est avéré concluant. Quelles que soient les conditions, que ce soit dans un laboratoire ou à l'extérieur, enterré ou en surface, les piles à bactéries ne font pas que produire de l'électricité, elles nettoient aussi l'urine. Ces toilettes autonomes peuvent ainsi être installées dans les camps de réfugiés, oui, dans des bidonvilles et dans tous les endroits où les infrastructures sont inexistantes, avance le directeur du Centre de bioénergie de Bristol. Le système est peu onéreux. Une pile à bactéries, oui, coûte une livre, environ 1,65 américain. L'université anglaise travaille en partenariat avec la fondation Bill Gates et l'ONG Oxfam. Il va installer cette année ses urinoirs dans des camps de réfugiés en Afrique. Maintenant, le MIT dévoile une smartwatch capable de détecter les émotions. Alors que la plupart des smartwatches, des montres intelligentes, proposent des fonctionnalités classiques, comme le suivi de l'activité physique, le GPS, etc., d'autres essaient d'aller plus loin. Il y a la montre intelligente qui sait quand vous avez trop bu, il y a notamment celle du MIT qui est capable de détecter vos émotions. Des chercheurs du prestigieux Massachusetts Institute of Technology, c'est toujours les mêmes, ont mis au point une application qui s'attache à écouter vos... En tout cas, qui écoute vos conversations et qui analyse les transcriptions textuelles de celles-ci ainsi que certains signes physiologiques pour tenter de déterminer votre humeur du moment avec 83% de précision. Donc, à la fin d'une conversation, vous pourriez rembobiner et voir les moments où les gens autour de vous se sont sentis le plus anxieux. Leur travail va dans cette direction, dit-il, suggérant que nous sommes peut-être pas très loin d'un monde où les gens pourraient avoir un coach social basé sur une intelligence artificielle juste dans leur poche. Pour l'heure, en tout cas, cette application est très loin d'être prête pour le grand public, mais si ce genre de choses vous intéresse, il y a une petite vidéo qui vous montre de quoi ça aurait l'air sur assemblagerequis.com. Ensuite, on récupère de vieux téléphones pour en faire des médailles. Le comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo en 2020 a lancé un appel au public pour récupérer leurs anciens téléphones intelligents en vue de réduire les coûts de la fabrication des médailles. Le comité d'organisation des Jeux olympiques de 2020, qui cherche aussi à réaliser des Jeux n'ayant pas trop fort impact environnemental, voudrait récolter 8 tonnes d'or, d'argent et de bronze d'ici avril afin de réaliser 5000 médailles olympiques et paralympiques. Les déchets électroniques comme les appareils de photo numérique, les ordinateurs portables et les jeux vidéo peuvent être déposés dans les magasins du géant du téléphone mobile et commanditaire olympique NTT Docomo. C'est pas la première fois que du métal recyclé est utilisé pour fabriquer des médailles. Aux Jeux olympiques de 2016 à Rio, il entrait pour 30% dans la fabrication des médailles d'argent et de bronze. Le budget de Tokyo 2020 pourrait atteindre les 30 milliards de dollars, quatre fois ce qui avait été prévu et près du triple de ceux de Londres en 2012, selon les experts. Fin décembre, le comité organisateur a présenté un budget revu à la baisse, désormais sous la barre des 17 milliards de dollars. Ça reste une tonne d'argent. On change de domaine à la Samsung qui propose une application pour aider les daltoniens. Les personnes qui souffrent de daltonisme perçoivent le monde différemment des autres. Vous le savez, certaines couleurs leur apparaissent différemment. Ça peut être délicat, voire dangereux si vous souhaitez identifier un médicament, de la nourriture ou la couleur d'un feu de signalisation, même s'il y a des formes pour ça. Samsung propose aujourd'hui une application pour leur simplifier la vie. En partenariat avec la société hongroise Colorlight, Samsung vient de lancer l'application #SeeColors, laquelle est capable d'ajuster les téléviseurs compatibles pour qu'ils leur montrent le même spectre de couleurs qu'une personne possédant une vue normale. D'après Samsung, l'application SeeColors fonctionne sur smartphone et sur les téléviseurs sous Tizen pour, dans un premier temps, identifier le type et le niveau de déficience de l'utilisateur. Elle se connecte ensuite au Samsung Smart TV pour recalibrer l'écran sur les résultats spécifiques des tests. En créant cette solution avec Colorlight, Samsung peut proposer cette technologie pour la première fois aux téléviseurs et aux smartphones. Mieux encore, les téléviseurs Super Ultra Haute Définition de 2016 de la marque seront vendus avec cette application préinstallée. SeeColors est disponible pour les habitants de Hongrie, de Roumanie et de Bulgarie pour l'instant. Allez voir une petite vidéo de démonstration de Samsung SeeColors sur assemblagerequis.com. Maintenant, un petit bloc thématique robot. Le robot humanoïde Pyrène, qui a tout. Qui est un robot à tout faire, qui peut bricoler. Les roboticiens du LAS CNRS et la société espagnole PAL Robotics ont dévoilé un robot humanoïde surpuissant. Pyrène, c'est son nom, est capable de se déplacer sur des terrains accidentés tout en portant des charges lourdes. Il est surtout le premier robot du genre à pouvoir se servir d'outils. Pyrène, le premier robot humanoïde au monde capable de se servir d'outils, a été présenté à Toulouse par son concepteur, le laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes, le LAAS du CNRS. Avec la première génération de robots, il développait des capacités locomotrices, la marche et la coordination des mouvements. Cette nouvelle génération est capable non seulement de bouger, mais également d'agir sur son environnement et de produire des forces afin de le rendre capable d'exécuter des tâches. Pyrène a donc été conçu en collaboration avec la société espagnole PAL Robotics. Son nom a d'ailleurs été choisi en référence aux Pyrénées. Le robot anthropomorphe de 1,75 m et 100 kg est capable d'effectuer 32 mouvements articulaires indépendants. Ça lui permet de surmonter un grand nombre d'obstacles comme un terrain accidenté ou des marches d'escalier avec une rapidité inédite. C'est grâce à la locomotion généralisée que ça fonctionne. Cette nouvelle génération est non seulement capable de marcher, mais également de s'appuyer sur un mur ou de se saisir d'une rampe pour monter les escaliers. Cet article-là contenait oui, plein de citations de la part de Futura Science et de différentes personnes. Donc, allez voir les sources sur assemblagerequis.com. Le robot qui vole comme une chauve-souris maintenant, BatBot. BatBot. Une équipe nord-américaine a mis au point un drone qui imite avec précision le vol de la chauve-souris. Une avancée qui doit aider à étudier au plus près le formidable système musculo-squelettique de cet animal, mais aussi permettre de concevoir des robots volants plus sûrs et performants. Reproduire la cinématique des ailes d'un oiseau en robotique est un défi technique des plus complexes, mais il y a encore plus difficile, imiter la chauve-souris. C'est ce à quoi s'est attelé, depuis plusieurs années, une équipe composée de spécialistes du California Institute of Technology, le Caltech, et de l'Université d'Illinois à Urbana-Champaign. Dans un article publié par Nature Robotics, ils viennent de présenter la dernière version de leur drone chauve-souris baptisé BatBot B2. Il ne pèse que 93 grammes pour 47 cm d'envergure, une corpulente proche de celle de la roussette d'Égypte. Donc, c'est une sorte de chauve-souris. Hein. Le BatBot est contrôlé par des moteurs miniatures logés dans la colonne vertébrale. Ce drone est équipé d'une série de capteurs qui lui permettent de voler en autonomie. Il faut savoir que les ailes de des chauves-souris sont composées de plus d'une quarantaine d'articulations qui leur permettent d'adapter leur forme tout au long des battements. Répliquer une telle anatomie avec un robot obligerait à multiplier les mécanismes et les moteurs, ce qui donnerait un engin trop lourd et volumineux. Au lieu de ça, les ailes du BatBot ne comportent que 9 articulations réalisées en fibre de carbone. Ces ailes sont recouvertes d'une membrane à base de silicone de 56 microns d'épaisseur et élaborée spécialement et qui reproduit l'élasticité naturelle des ailes de chauve-souris. Cela permet au robot d'amplifier le mouvement impulsé par les moteurs électriques. En effet, comme l'expliquent les chercheurs, lorsqu'une chauve-souris ou le BatBot bat des ailes, c'est un exercice de diction, les membranes se gonflent d'air et se déforment. Une fois les ailes arrivées au bout de leur mouvement de poussée, les membranes se tendent à nouveau et expulsent l'air, ce qui amplifie la puissance du battement. Les chercheurs disent avoir identifié 5 mouvements dominants dans le battement d'ailes de la chauve-souris qu'ils ont implémenté pour reproduire environ 57% de la cinématique d'origine. Lors des essais, le BatBot B2 a volé sur une trentaine de mètres de distance, accomplit des virages inclinés et des piquets, autant de mouvements censés reproduire en partie les techniques de chasse d'une chauve-souris. La vocation première de ce drone est justement de servir à étudier plus précisément le vol de la chauve-souris. Les concepteurs du BatBot ajoutent que cette configuration offrirait également une meilleure sécurité que des drones quadrirotors dans des environnements présentant des risques de collision avec des personnes ou des objets. Le développement du BatBot va se poursuivre avec notamment comme objectif de reproduire la capacité des chauves-souris à se percher à la verticale, la tête en bas. Toujours en robot, des robots jouets qui peuvent donc devenir autonomes. On parle pas de votre Furby qui vous a effrayé dans vos jeunes années, nous dit Uber Gizmo, mais d'un jouet bien spécifique, le X-Bug. Peut-être connaissez-vous déjà ces petites bestioles en plastique. C'est un petit robot insecte doté de 6 pattes qui peut se contrôler à distance ou se contrôler lui-même après l'invention d'un mode destiné à le rendre indépendant. C'est Brad Knox, le fondateur et PDG de eMotors, qui est à l'origine du projet. Baptisé Bots Alive, ce mode vient exploiter les technologies de nos smartphones pour doter les X-Bugs d'une intelligence. Knox insiste cependant qu'il ne s'agit pas d'une intelligence artificielle classique, mais plus d'une intelligence organique, intellectuellement limitée pour le moment. Parce que les robots ne peuvent que se déplacer vers certains objets cibles. Leur comportement embarque plusieurs paramètres aléatoires pour offrir une vraie sensation de vie imprévisible et spontanée. Bots Alive n'est pour l'instant qu'un projet actuellement en pleine campagne de financement participatif sur Kickstarter. Son seuil de financement a déjà été dépassé de plusieurs millions de dollars, mais vous pouvez toujours y investir si ça vous tente. Il reste plus de 2 semaines, en tout cas en date de l'article, pour amasser le plus de moyens possible et peut-être s'exporter à d'autres types de robots. Allez voir le lien, toujours sur assemblagerequis.com. Ensuite, des robots pour espionner les animaux sauvages. La chaîne BBC a fait appel à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne pour utiliser des robots lézards et crocodiles très réalistes afin de pouvoir observer au plus près la faune sauvage. Au total, une trentaine de ces animatroniques infiltrés ont été utilisés pour ce programme télévisé inédit. Approcher les animaux sauvages pour les observer dans leur intimité sans se faire remarquer fait partie des exercices les plus difficiles auxquels sont confrontés les réalisateurs de documentaires. Alors, on a déjà entendu plusieurs fois parler de documentaires qui avaient été, un petit peu fake newsé, là. Comme dirait Donald Trump, c'est des fake news. C'est du faux. On a coaché ça, ça s'est passé dans un zoo, puis on fait un montage avec des vraies captures dans un vrai bois, tu sais. Bref, c'est déjà arrivé sur Internet, il y a plein d'exemples. Donc, les moyens techniques actuels permettent de cacher des caméras miniatures, de filmer avec des drones ou des robots terrestres. Pourtant, il est encore compliqué de pouvoir se glisser parmi ces espèces pour saisir leurs habitudes, leurs échanges les plus spontanés. Justement, la chaîne de télé britannique BBC vient de réaliser une très belle performance en se servant d'une trentaine de robots imitant très fidèlement plusieurs espèces d'animaux sauvages comme des langurs, des orangs-outans, suricates, hippopotames et reptiles. Wow! Je connais aucun de... Il y a beaucoup d'animaux que je connais pas, apparemment. Ces animatroniques, comme ils sont nommés, ont servi à tourner une série documentaire qui s'appelle Spy in the Wild. Elles mettent en scène divers robots commandés à distance dont les yeux sont remplacés par des caméras ultra HD, 4K, donc qui viennent se mêler aux animaux pour les filmer au plus près afin d'observer différents aspects de leur comportement comme l'amour, l'intelligence ou l'amitié. Dans le cadre de cette expérience, la BBC a travaillé avec le laboratoire BioRob de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne qui a créé des modèles de lézards et de crocodiles robotisés qui imitent très fidèlement l'aspect et le mode de déplacement de ces reptiles. Pour les besoins de l'émission, l'animatronique crocodile est allée en Ouganda, plus précisément dans le Murchison Falls Natural Park, afin de filmer des crocodiles du Nil femelles transportant leur progéniture dans leur gueule jusqu'à leur nid. Le robot fut lui-même happé par une femelle l'ayant pris pour son petit, ce qui a donné des images saisissantes, nous dit Futura Science. Autre moment phare, celui des langurs en deuil d'un robot espion qu'ils pensent mort. Waouh, on les manipule. Un témoignage émouvant de l'empathie dont ces primates sont capables, nous dit l'article. Voilà. Et je crois, si je ne me trompe pas, oui, que c'est la fin de ce bloc de CNX. D'autres nouvelles la semaine prochaine, comme toujours, mais c'est là-dessus qu'on doit terminer une autre édition du Mathieu Plante Show, l'édition spéciale de seulement 90 minutes. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis de 15h à 17h. On rappelle les jeudis à midi et les mardis à 10h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30 ainsi qu'au Palmarès C'est Fou les mardis de 14h à 17h. Consultez la programmation complète sur CIF.ca. Retrouvez les notes de l'émission, les balados diffusion sur assemblagerequis.com. L'émission Audiomatique suit pour les auditeurs du mercredi. De la part de Samuel Girard et de toute l'équipe fictive de Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'est le Mathieu Plante et vous avez été planté. On se quitte avec une pièce de Metroid sur l'album Finally par Rare Candy. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.